Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les débuts de la guerre froide. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent aux minorités armées et aux pressions extérieures qui tentent d'imposer sur eux leur domination. Quand le président Truman prononce ses paroles devant le Congrès américain le 12 mars 1947, il jette les bases de ce que sera la doctrine Truman. La doctrine Truman met fin au traditionnel isolationnisme américain en proposant que les États-Unis soient présents partout où pèse la menace communiste. Le plan Marshall, le fameux plan d'aide économique américain aux pays européens, sera d'ailleurs lancé la même année, en 1947. L'idée est toujours la même, protéger le monde libre du communisme. Politiquement, la doctrine Truman marque donc le véritable coup de départ de ce long bras de fer qui va opposer les deux blocs de l'Est et de l'Ouest tout au cours de la guerre froide. Donc, cette guerre froide, elle ne pouvait pas se dérouler autrement. Mais il y a quand même beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de malentendus et il y a beaucoup de psychoses, de peurs, de deux côtés. Parce que quand je parle avec les Russes qui maintenant s'expriment, ils vous diront, mais vous savez, pendant la guerre froide, nous on était sûrs qu'il y aura la bombe atomique qui va nous tomber. Tous les jours, on l'attendait. Mais il y a énormément de malentendus. Malgré tout ce qu'on peut juger aujourd'hui et dire qu'elle était inéluctable, cette guerre froide ne pouvait pas ne pas avoir lieu, mais quand on l'analyse et on regarde près la façon dont elle s'est déroulée, les discours, les gestes, les faits, le climat, la façon dont les gens le vivaient, même les simples gens, liés à une psychologie de peur. La soviétologue roumaine Lili Marcou à l'émission Au fil du temps en 1993, au micro d'un certain André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Ça doit vous rappeler de beaux souvenirs. Surtout que c'était une entrevue qui s'était déroulée à Paris. Bon. Ce qui ressort de cet extrait, c'est, elle nous parle évidemment, cette politologue, du climat, André, de la psychologie ambiante durant ces années de guerre froide. D'abord, revenons au tout début. Prenons le temps de dire de quoi on parle? Concept guerre froide. De quoi on parle quand on parle de la guerre froide? De la grande rivalité américano-soviétique qui commence avec la révolution d'octobre, qui commence avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. C'est deux systèmes de pensée, deux systèmes économiques qui sont inévitablement antagonistes. Pourquoi? Parce que l'objectif de Lénine et des bolcheviks, c'est de propager le communisme sur l'ensemble de la planète. Et l'ennemi à battre, c'est évidemment l'économie de marché, ce qu'on appelle le capitalisme libéral, qui est vraiment incarné à cette époque-là, selon les Soviétiques, par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Donc, pour vous, déjà, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la guerre froide, en bonne et due forme, là, commence plus tard, mais pour vous, les germes de cette opposition entre deux blocs commencent déjà avec la Révolution russe en 1917. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on le voit très bien avec les premières affiches de propagande soviétique. On présente toujours un gros capitaliste avec le chapeau de l'oncle Sam, la barbiche de l'oncle Sam, et puis avec des poches d'or, des poches d'argent. On représente les Britanniques de la même façon. Donc, c'est la vision que le communisme va présenter de l'impérialisme américain. Oui. Bon, évidemment, ça, c'est les germes de ce que ça va devenir plus formellement. Lili Marcou, quand elle parle de ce climat, elle évoque même cette menace nucléaire. Là, on est vraiment dans la guerre froide, celle qui commence autour de 46. Oui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais qui est la même chose, au fond. C'est la suite logique de ce qui survient à partir de 1917-1918. Rappelez-vous que Churchill avait dit au Parlement britannique au début de 1919 qu'il fallait ériger un cordon sanitaire autour de la Russie soviétique pour empêcher sa progression. Oui. Dès 1919-1920, il y a une intervention des puissances dites capitalistes aux yeux de Moscou contre la révolution bolchevique. Il y a les Japonais qui débarquent du côté de la Sibérie, les Américains qui vont les suivre pour les surveiller. Il y aura une intervention britannique, une intervention canadienne, une intervention française. Et pourquoi? C'est dans l'espoir justement d'écraser le régime soviétique, sauf que la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Il y a une lassitude de la guerre un peu partout en Europe et même aux États-Unis. Donc, il y a des pressions de l'opinion publique et des parlements pour ramener les soldats au bercail. Mais il n'en demeure pas moins que pour la propagande soviétique, cette intervention des pays dits capitalistes va être utilisée par la propagande jusqu'à qu'au début de la guerre froide, en disant que depuis la naissance du régime soviétique, les puissances capitalistes ont essayé de tuer ce régime-là. Donc, opposition dynamique qui est déjà en place, qui va attendre quand même quelques décennies avant de se déployer complètement, ce qui va nous amener à cette guerre froide en bonne et due forme. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'historiens, André Champagne, situent le point de départ de cette guerre froide plus formelle à ce discours de Winston Churchill le 5 mars 1946 à Fulton, au Missouri. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. De Stettin dans la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière cette frontière se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes appartiennent maintenant à ce qu'on appelle le bloc soviétique. Alors, André Champagne, pourquoi ce discours de Churchill en 1946 est si important? Parce que c'est la déclaration officielle de la guerre froide. Ce voyage-là, Churchill l'avait préparé avec Truman. Truman était présent lors de ce discours-là. Truman a accompagné Churchill lors de sa tournée aux États-Unis. Et puis, Churchill l'avait informé de l'objectif de son voyage. Et c'est Churchill qui avait mis en garde Truman et avait même mis en garde son prédécesseur Roosevelt contre justement les intentions de Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que à la conférence de Téhéran, lors de la première rencontre des trois grands, Roosevelt, Churchill et Staline. On est en quoi, 42? 43. Nous sommes en novembre-décembre 43. À la conférence de Téhéran, Roosevelt fait savoir à Churchill et à Staline que 2 ans après la fin de la guerre en Europe, les Américains devraient avoir retiré toutes leurs troupes du continent. Conséquemment, pour Staline, c'est vraiment c'est une excellente nouvelle parce que lui, il entend non seulement prendre le contrôle des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui seront libéré, entre parenthèses, par l'armée rouge, mais idéalement, il cherchera à s'étendre jusqu'à l'Atlantique. Donc, si les Américains se retirent, pour Staline, ça sera vraiment le scénario idéal. Et Churchill, justement, le voit venir et Churchill le met en garde Roosevelt. Mais Roosevelt est un peu naïf et croit qu'avec son charme et qu'avec la diplomatie d'homme à homme, de chef d'État à chef d'État, il pourra faire entendre raison à Staline. Il est très, très, très naïf à l'endroit des véritables objectifs de Staline. Alors que Staline, à Yalta, en 1945, déjà, il est assez clair. Ses intentions sont assez claires. Il y a un signal qui est envoyé. Le signal est très simple. Les pays qui sont libérés par l'Europe, par l'armée rouge, seront des pays qui passeront dans la sphère d'influence soviétique. Ouais. Pourquoi? Parce que la Russie a été envahie en 1914 par l'Allemagne à travers la Pologne. Elle a été envahie en 1941, encore une fois, à travers la Pologne. L'objectif de Staline, c'est d'établir un glacis protecteur autour de la Russie soviétique, du côté de l'Europe occidentale, orientale. Ouais. Donc, c'est l'objectif officiel. Mais c'est clair que Staline entend profiter de la présence des communistes en Italie et en France, qui ont incarné en grande partie la résistance dans ces deux pays-là, pour justement être utilisé comme fer de lance d'une éventuelle expansion du communisme à l'Europe de l'Ouest. Bon, Yalta, la conférence de Yalta, c'est février 1945, la guerre tire à sa fin. Parlons-en un peu de cette Deuxième Guerre mondiale qui précédera donc le début officiel de la guerre froide, mais qui arrive évidemment après cette première guerre froide non officielle dont on parlait il y a quelques minutes, la Révolution russe en 1917, cette opposition déjà entre le bloc communiste et l'Ouest. Là, il y a comme une... Vous nous avez dit pourquoi on ne veut plus retomber dans la guerre. Il y a comme une... Ça flotte, cette affaire-là. Et puis, il y a cette alliance en 1945, cette grosse parenthèse. Tout de suite après, ce sera le début de la guerre froide. Mais là, on fait alliance, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie soviétique contre Hitler. Contre Hitler, absolument. Mais c'est une formidable parenthèse de l'histoire. Absolument, d'autant plus qu'en 1939... Le 23 août 1939, Staline et Hitler avaient négocié un pacte de non-agression pour une durée de 10 ans. Ils s'étaient partagé la Pologne et Staline avait obtenu le droit d'annexer les trois pays baltes. Donc, il y avait eu cette espèce de bonne entente entre Staline et Hitler. On connaît la suite. Le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit la Russie soviétique. Et là, soudainement, Staline devient l'allié de Churchill. Et à partir du mois de décembre 1941, quand le Japon attaque Pearl Harbor, et trois jours plus tard, le 10 décembre, Hitler déclare la guerre aux États-Unis, la grande alliance du temps de guerre se forme. Oui. Et soudainement, l'image de Staline aux États-Unis change complètement. On va le caricaturer en le présentant comme l'oncle Joseph, Uncle Joe. Uncle Joe Staline, on va le présenter comme quelqu'un, un la ami. Famille. Tout à fait sympathique. Et cette image-là, Staline pourra en profiter jusqu'au printemps 1945. Mais au printemps 1945, les observateurs sur la scène est européenne se rendent bien compte que la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, que les pays qui sont occupés par l'armée rouge, déjà, ces pays-là sont en voie de communisation. Ouais. Et Truman, le successeur de Roosevelt, c'est l'antithèse de Roosevelt. C'est un homme qui est essentiellement pragmatique, qui n'a pas du tout confiance en Staline et qui, au contraire, lui, il écoute les conseils de Churchill. Ouais. Et puis, il y aura aussi, vers la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, la dynamique change, bien sûr, vous venez de nous le dire, puis il y aura, et ça aussi, ça va changer considérablement la dynamique, deux dates importantes, 6 et 9 août 1945, avec, évidemment, ces bombes atomiques qui tomberont sur Hiroshima et Nagasaki. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seuls quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils ? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ? Certains historiens, André Champagne, voient dans l'utilisation par les Américains de ces deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, entre autres, aussi un signal d'envoyer à l'URSS. C'est clair. C'était la thèse des historiens révisionnistes qui était très à la mode des années 60 et 70, surtout des années 70 quand j'étais étudiant à l'université. La plupart des historiens, des profs qui nous enseignaient avaient été fortement influencés par ces historiens-là. Et c'était clair que pour eux, notamment Gary Aperowitz, qui a écrit ce livre classique, The Making of the Atomic Bomb, Aperowitz, lui, disait que c'était clair que le Japon était sur le point de capituler, que l'emploi de la bombe atomique n'était pas du tout nécessaire et que Truman a pris la décision tout simplement pour envoyer un message d'intimidation à Joseph Staline et aux Soviétiques en leur disant « Nous disposons d'une arme décisive, sachez-le. Oui. » D'autant plus que les Américains voulaient retirer le gros de leurs troupes de l'Europe. Donc, c'est clair que les Américains, en employant la bombe atomique et surtout en refusant de partager justement les plans de la bombe avec les Soviétiques, avec leurs alliés, c'est clair que les Américains envoyaient encore plus un message encore plus fort. Ouais. Et cette fameuse menace nucléaire, la politologue roumaine Lily Marcoux en parlait d'entrée de jeu là au début de l'émission, ça va faire partie de toute la dynamique de la guerre froide. Ce sera là tout le temps. Mais tout à fait, parce que dès que les espions soviétiques sont mis au courant du projet. D'ailleurs, un des physiciens allemand, Klaus Fuchs, qui travaille au projet Manhattan, c'est un des agents de Staline, informe évidemment Moscou des préparatifs de la bombe. C'est clair que Staline, dès qu'il apprend que le test Almogordo à la mi-juillet 45 a fonctionné, ordonne à Beria, le chef de la police politique, de mettre au point le plus rapidement possible et de mobiliser tous les ingénieurs, tous les techniciens soviétiques pour que Moscou dispose de la bombe le plus rapidement possible. C'est clair que si les États-Unis l'ont, la Russie soviétique doit l'avoir parce que Staline craint que les Américains l'utilisent contre lui. Et c'est fondamental dans l'équilibre qui doit y avoir entre ces deux blocs communistes et capitalistes, entre l'Est et l'Ouest, le fait d'avoir chacun la possibilité, théorique ou non, mais d'utiliser la bombe, cette bombe si destructrice, ça fait partie de l'équation. Là. C'est ce qui fait que les deux blocs continuent de se répondre l'un l'autre. Et tout au long des années 50, la propagande américaine va amplifier la menace nucléaire, la menace de l'Holocauste nucléaire. Rappelez-vous ces films qu'on faisait où on, dans les écoles secondaires ou dans les écoles primaires, on demandait aux élèves de se cacher sur leur table, sur leur bureau. Des abris nucléaires, et ainsi de suite. Il y a eu une espèce de psychose de la bombe atomique tout au long des années 50 et jusqu'à la crise des missiles de 1962. Et tout ça découle justement de Hiroshima et de Nagasaki. Donc, derrière le contexte de guerre froide, il y avait cette hypothèse-là que un conflit armé Moscou-Washington pouvait possiblement entraîner l'Holocauste nucléaire. Ce qui fait qu'il y aura, petite parenthèse, mais il y aura même au Canada ce qu'on a appelé après le Diefenbunker. Oui, le Diefenbunker, où le gouvernement il pouvait aller se cacher au cas où le Canada serait frappé par une bombe atomique. Ouais, incroyable. 1947, c'est une année déterminante, puis on revient un petit peu au début de l'émission, on entendait au tout début un extrait du président Truman. C'est une année déterminante parce que ce sera l'année du plan Marshall, on y vient dans un instant, mais c'est aussi, André, d'abord, le début de la doctrine Truman. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? La doctrine Truman, c'est une doctrine qui est énoncée par justement le président en mars 1947. Pourquoi? Parce que en 1946-1947, Moscou a fait des tentatives du côté de l'Iran et du côté de la Turquie. En 1942, Britanniques et Soviétiques s'étaient partagés des sphères d'influence en Iran de crainte que l'Allemagne nazie ne s'empare de l'Iran. Donc, en principe, la Russie occupait le nord de l'Iran, la Grande-Bretagne le sud, et une fois la guerre terminée, Britanniques et Soviétiques devaient retirer leurs troupes. Mm-hmm. Ce que les Britanniques font à la fin 1945. Mais Staline ne retire pas ses troupes du nord de l'Iran. Et au contraire, il essaie de profiter du Parti communiste Today pour essayer de créer une espèce de république socialiste dans le nord de l'Iran. Et les Britanniques, les Américains encouragent le Shah d'envoyer son armée pour essayer de lutter contre ce mouvement sécessionniste-là. Et l'armée rouge bloque le passage. Et là, face à cette intimidation soviétique, là, Truman brandit la menace d'utiliser la force contre Moscou si les Soviétiques ne se retirent pas. Et il ordonne à des navires de guerre américains d'aller se positionner en Méditerranée orientale. Il y aura sensiblement le même scénario du côté de la Turquie. Staline aimerait s'emparer des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et il voudrait récupérer deux vilayettes, Kars et Ardahan, qui appartenaient à la Russie jusqu'en 1918. Mais au traité de Brest-Litovsk de mars 1918, les Soviétiques avaient rétrocédé ce territoire-là à la Turquie. Et là, Staline, profitant de sa puissance, voudrait récupérer ces territoires-là et voudrait justement pouvoir faire des pressions sur les détroits. Encore une fois, Truman intervient, il envoie des navires de guerre américains dans les détroits pour envoyer un message clair à Staline, nous ne vous laisserons pas faire. Ouais. Ça, c'est la doctrine Truman avant la lettre. Mais ce qui se produit, c'est que depuis 1944, depuis l'automne 1944, il y a une guerre civile qui ne dit pas son nom en Grèce, qui oppose les communistes grecs aux troupes royalistes défendues par la Grande-Bretagne. Le problème, c'est que la Grande-Bretagne n'a plus les moyens de financer son opération militaire contre les communistes grecs. Et Londres demande à Washington, pouvez-vous nous aider financièrement et c'est dans ce contexte-là, justement, que survient le discours de Truman. Et c'est Truman, justement, demande au Congrès de voter un plan de 400 millions de dollars pour venir en aide à la Grèce et à la Turquie, menacées par le communisme soviétique. Et pourtant, les communistes grecs n'ont reçu aucune aide de Staline. Aucune aide. Mais c'est la menace communiste. Et c'est dans ce contexte-là qu'il prononce ce discours-là. Et en juin 1947, à l'Université Harvard, le secrétaire d'État américain, George Marshall, va énoncer ce qu'on va appeler le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est un plan d'aide économique pour aider les pays d'Europe à se relever de la guerre. Pourquoi? Parce que même si la guerre s'est terminée en mai 45, la misère sévit en Europe, la faim sévit. Il y a des transferts de population. Les gens n'ont pas idée. On est dans la crise. C'est une crise humanitaire dont on parle. C'est majeur, mais sur tout le continent européen. Et cette misère-là, cette menace de famine-là, c'est favorable à l'émergence des partis extrémistes, donc des partis communistes. Et les stratèges américains se disent la meilleure façon d'endiguer le communisme, c'est d'aider à accélérer la reconstruction de l'Europe. Et en même temps, c'est bon pour l'économie américaine parce que ces 13 milliards de dollars que Washington fournira aux pays d'Europe de l'Ouest, c'est conditionnel. Vous achetez des produits américains, vous facilitez l'entrée des multinationales américaines sur votre territoire. Mm-hmm. Et en plus de ça, les fonctionnaires américains ont un droit de regard sur l'utilisation de ces fonds-là. Mm. Donc, ce n'est pas vraiment une aide désintéressée. Et ça encore, ça va être un des grands débats des historiens révisionnistes des années 70. Ils vont dire, oui, le plan Marshall, c'est de l'aide, mais c'est de l'aide aussi aux États-Unis. Ouais. En tout cas, c'est une machine économique formidable. L'idée, c'est de relever l'Europe, c'est de sortir l'Europe de la pauvreté, mais et que les États-Unis en profitent pour faire rouler leur propre économie. Mais c'est aussi, puis vous l'avez évoqué, une façon politiquement, parce que c'est un plan d'aide économique, mais qui répond à une ambition idéologique, contrer la fameuse menace communiste. Exactement. Parce que on crève de faim en Europe, on veut éviter que le communisme se répande dans l'Ouest. Exactement. Pourquoi? Ouais. Parce que le communisme profite justement du malheur des populations qui voient le communisme comme une alternative. L'URSS, elle va répondre comment à cette doctrine Truman et au plan Marshall? Ben, il y aura une réponse officielle qui va être formulée par le camarade Zhdanov qui va dire, si vous permettez, si on a le temps, je pourrais en lire un extrait. Alors, il va dire ceci dans un discours... À la fin de 1947, deux camps se sont formés dans le monde. D'une part, le camp impérialiste et antidémocratique, qui a pour but essentiel l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme américain et l'écrasement de la démocratie. Et d'autre part, le camp anti-impérialiste et démocratique, dont le but essentiel consiste à saper l'impérialisme, à renforcer la démocratie. C'est qu'en fait, l'URSS va tout simplement former son propre camp, qui va devenir, le pacte de Varsovie, en réponse à l'OTAN, qui, elle, est formée en 1949. Ouais. Et le moment décisif, ce sera la fameuse crise de Berlin de 1948. Mais les prémices de ce qu'on a appelé la guerre froide étaient déjà là dès 1917-1918. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que l'idéologie marxiste-léniniste avait une vocation d'expansion mondiale. Si les prémices étaient déjà là en 1917, tout ça va officiellement se terminer en 91, cette guerre froide. Mais quand apparaissent les prémices, André, de l'éclatement, de la fin de cette guerre froide? C'est au lendemain de la crise des missiles de 1962. Pourquoi? Parce que Khrouchtchev et Kennedy, qui ont été d'une sagesse incroyable, ont réalisé qu'une crise régionale pouvait dégénérer en guerre généralisée, en guerre mondiale. Et ils ont convenu, au printemps de 1963, d'établir cette ligne, ce téléphone rouge, qu'en réalité, qui est une espèce de téléx entre la Maison-Blanche et le Kremlin, pour prévenir toutes les crises. Et à partir de là, il y aura vraiment une espèce de début de ce qu'on va appeler la détente, dont l'âge d'or surviendra au cours des années 70, avec notamment Henry Kissinger et Richard Nixon. Mais on peut dire que la menace nucléaire a été vraiment très forte de 49 jusqu'à 1900, jusqu'à la crise des missiles, 62. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.